les 7, 8, 9, les 7, 8, 9 octobre prochain, l'Intermarché Florent Lachance vous invite à la 8e édition du Coup de grâce musical de Saint-Prime. Participez à ce grand happening de la musique, avec entre autres Yann Perrault, Fred Fortin, Lisa Leblanc et Bernard Adamus. Pour bien commencer la soirée, profitez d'un bon repas entre amis. Nos experts bouchers sauront vous conseiller judicieusement. Pour un coup de grâce musical réussi, pensez l'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime. Agent autorisé, SAQ. Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On en a parlé brièvement avec Marianne Saint-Gelais mercredi lorsqu'on lui a parlé des qualifications et que j'étais fortement impressionné par Marie-Ève Drolet, pas seulement parce qu'elle s'était qualifiée sur l'équipe canadienne, mais tout ce qui entoure de elle. Question de savoir un peu c'est quoi son... comment ta vie ça, on lui parle. Salut Marie-Ève! Oui, allô? Oui Marie-Ève, est-ce que tu peux te tasser malheureusement? Je suis sur ton portable actuellement, j'ai de la misère à t'entendre. Là ça va. Ouais, là ça va bien. Marie-Ève, j'ai parlé avec Marianne hier, parce que Marianne, on lui parle régulièrement, puis je disais, elle m'impressionne donc bien cette femme-là. C'est pas que tu t'es qualifiée sur l'équipe canadienne, c'est que t'as fait une petite fille de 21 mois, que ça demande beaucoup, l'entraînement demande beaucoup, puis il y a une fille au travers de ça, puis conjuguer les deux ensemble, ça doit pas être facile, hein? Surtout au niveau du sommeil. OK. Dès qu'avoir des enfants, on dort un peu moins quand on est parents. Mais c'est ça, là. Donc, en tant qu'athlète, je récupère un petit peu moins, je pense, que les autres en tant que. Au niveau du sommeil. Puis, ça, c'est un petit peu plus dur pour moi. OK. Qu'est-ce qui t'a motivé? Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé, Marie-Ève, à revenir? 34 ans, c'est quand même pas jeune. C'est quand même... puis là, t'es une petite fille au travers de ça. T'aurais pu dire, c'est terminé, puis je fonde ma famille. Là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as décidé de revenir? Ben, en fait, c'est des défis. Moi, j'aime ça relever des défis, puis c'est ça qui me pousse dans la vie. Puis ça a été un de mes premiers défis, ça a été de revenir après mon 6 ans d'absence de la compétition. OK. Ça a été mon premier retour. Puis ça, c'est un beau défi aussi. Puis... là, j'étais prête pour attaquer une autre chose-là. Ça me pousse tout le temps d'être comme pas trop en forme puis de voir l'évolution. Là. C'est quand même impressionnant. C'est quand même le fun de voir comme l'évolution qu'on peut avoir là, vraiment vite. Oui. De passer de rien à une athlète professionnelle. Est-ce que tu as trouvé ça dur, Marie-Ève? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? Est-ce que tu as trouvé le plus dur de revenir après 6 ans? C'est sûr que tu vas me dire oui, mais tu étais plus jeune dans le temps, là. Au lieu de revenir ce coup-là, puis t'as une petite fille. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? Ben, en fait, le 6 ans, ça a quand même bien été. Au niveau de. Je pense que le plus dur, c'est quand je suis revenue après, pendant les essais olympiques en 2013, les essais olympiques pour faire les Jeux de Sochi. Okay. J'ai cassé ma hanche. Puis ça, c'était, on était proche des Jeux là parce que c'était, je me suis cassé la hanche au mois d'août là pendant les essais olympiques. Ça, je pense, que ça a été le retour le plus dur parce que je voyais les Jeux arriver vraiment vite. Puis je pouvais pas m'entraîner à 100% parce que j'étais blessée. Oui. Puis ça, je pense que ça a été le retour le plus drôle à dire, mais ça a été le retour le plus difficile. OK. Là, présentement, tu t'es qualifié. C'est sûr que tu vas me dire que c'était l'objectif ultime et avec raison, mais t'es-tu quand même surprise que tu t'es qualifié sur l'équipe canadienne? Ou vraiment? Je suis pas surprise parce qu'au niveau de l'entraînement, ça allait tellement bien. OK. Je me sentais tellement forte et confiante que je voyais comment que j'étais bien sur la glace, que ma technique s'améliore encore, que... je fais des beaux tours assez vite, que mon endurance s'en est de mieux en mieux, donc je m'améliore encore, donc j'ai encore cette confiance-là. OK. Mais c'est sûr que si je me vois en tant que maman, puis si je, quand je me voyais, quand j'étais enceinte, je me disais, ouais, tu sais, ça va être difficile à réaliser, mais je pense que je suis capable, puis là, mais je suis contente que que ça soit fait, là. OK. Est-ce que là, bon, là, c'est-tu ton objectif? C'est-tu, on est à un an et demi des Olympiques en Corée du Sud. Est-ce que ton objectif, c'est la Corée du Sud? Es-tu revenu pour participer aux Olympiques ou t'as décidé de revenir pour... puis tu vas y aller une année à la fois, ce coup-là? Ouais, ben c'est ça. À la base, je m'étais dit une année à la fois, je vais voir comment ça va. C'était difficile à planifier tout, comment que ça allait aller. Puis là, ben, tu sais, si ça continue à bien aller comme ça, c'est sûr que je m'en vais jusqu'au jeu. Puis après ça, ben, je prendrai ma retraite pour de bon, là. OK. Comment tu te vois au sein de l'équipe canadienne? Parce que je sais que Marianne, elle me dit c'est mon amie, puis on s'entend tellement bien entre les, avec Marielle. Toi, tu te vois-tu comme la leader, comme la personne qui peut aider plus étant donné que c'est toi qui as le plus d'expérience et t'es plus âgé? Ben en fait, je sais pas si je me vois comme vraiment la leader, mais j'aime aider les gens, puis j'aime beaucoup les filles. Tu sais, on a vraiment un bel esprit d'équipe, puis on s'entraide, puis on, tu sais, on est toujours ensemble. On s'entraîne deux fois par jour, presque tous les jours de la semaine. Donc, tu sais, la chimie est bonne, puis moi, j'adore parler aux filles, puis tu sais, si je peux les aider, mais tu sais, s'ils viennent me voir puis me poser des questions sur n'importe quel sujet, j'aime ça essayer de pouvoir discuter de la vie en général aussi, là, des fois, ça a l'air... Ben oui. Ouais. Mais 34 ans, est-ce que, parce que Tania Vincent avait pas mal cet âge-là, 35, mais je dirais même 35-36 ans quand elle s'est retirée, est-ce que ça paraît vraiment, ou à 34 ans, quelqu'un peut vraiment bien performer, puis même penser médaille? Ben, moi, je pense que c'est possible, je me suis toujours dit que c'était possible. Si on pense que c'est impossible, ben, ça va être plus difficile à réaliser les objectifs, mais... C'est sûr qu'on est plus vieux, puis il faut prendre ça en considération. Puis il faut que, au niveau stratégique, tu sais, que je sache mes forces et mes faiblesses, puis que je joue avec ça aussi dans mes courses. Mais tu sais, je te dis qu'au niveau physique, là, au niveau de l'entraînement, tout ça, ça va tellement bien que j'ai de la misère à dire que la vieillesse, elle a un effet négatif, là. OK. Puis, voilà, ça va bien, puis moi, je suis vraiment contente de... Mais surtout, c'est peut-être aussi que, tu sais, j'ai arrêté 6 ans de patiner, peut-être que ça... Ouais, ton corps aussi, au niveau du corps, peut-être que j'en ai moins demandé que si j'avais continué toutes ces années-là. Là, comment tu vois l'année? Parce que j'en parlais avec Marianne mercredi. Marianne, on voyait les Coréennes, les deux prochains Jeux seront en Asie. Donc, certainement que... Puis la grosse opposition vient de l'Asie, là. Certainement que les Coréens et les Chinois vont certainement vouloir en donner plein à un an des Jeux. Il faut s'attendre que ça va venir de là. Ben, ça a toujours été ça. Je veux pas. On sait toujours que les Coréens et les Chinois sont forts. Les Chinois, c'est plus au niveau comme tactique. Les Coréens ils ont tellement de l'endurance. Souvent, mais avant, hein, parce que je pense que c'est encore comme ça. Ils courent beaucoup la course derrière, puis... ils montent à l'avant vers la fin. Ils sont vraiment forts les deux pays. Donc, on a toujours... on est à les connaître aussi. Puis, on patine tellement souvent avec eux qu'on va être capable de savoir comment les battre puis comment les déjouer. Là. OK. Ben, Marie-Ève, félicitations. C'est la première fois qu'on se parle. Mais je voulais t'en parler l'année passée pour un peu te féliciter pour tout ce que tu fais. Parce que c'est quand même... Écoute, là, je suis pas parent, je suis pas, mais d'être une athlète de haut niveau avec une petite fille au travers de ça, l'élever. Puis Marianne m'a dit en plus que c'est pas évident parce que ton conjoint travaille à l'extérieur aussi. Tout ça, ça, c'est pas évident, puis je voulais te féliciter là-dessus. Ouais, c'est vraiment gentil, merci beaucoup. Voilà, Marie-Ève Drolet de la Terrière.